Voici, en une heure, de larges extraits, reliés par des résumés, de L'Insurgé, roman de Jules Vallès, publié en 1886. Ce roman, sous-titré Jacques Vintra III, est la suite de L'Enfant, Jacques Vintra I, et Le Bachelier, Jacques Vintra II. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Lexis, mai 2016. J'ai rajouté au cours de ma lecture quelques renseignements concernant les faits et ou les personnages historiques cités par Jules Vallès. Les initiés sauront me le pardonner.